Thank you. T'auras toujours quelque chose à me dire, mais moi non. Je m'en vais, je pars, je m'éloigne. Alors que toi, dans ton coefficient, tu t'approches et tu t'éloignes, mais tu restes toujours là, toujours là, toujours là. Quitte à me manger. fait si longtemps que je ne t'ai pas parlé. Pourtant, tu étais toujours là. Si longtemps. Regarde. Thank you.